Aux petites heures du mat, la ville est un parc d'attractions. Il y a des lampions dans les ruelles, les vitrines comme des carousels tournent autour de moi. Pas de chevaux de bois, mais des filles en plastique qui prennent des poses lascives et excentriques. Alors moi j'imagine des choses. Je mate les vitrines de riches aux heures de fermeture, quand les belles devantures m'appellent à l'aventure. Le luxe qui s'affiche, les dentelles, les dorures, moi au milieu des ordures, je biche et je m'entiche des belles dames en résine exhibant leur résille. Un rien les habille, mon souffle les anime. Hey, beau gosse, c'est à moi qu'elle cause. T'aurais pas la combine pour me sortir de cette vitrine. On dirait Amsterdam, les regards qui m'aguichent, les belles dames qui se pâment dans les boutiques de riz. Je lèche les vitrines pour les faire fondre. Je lèche les vitrines pour qu'elles explosent. Pas d'heure du mat, je mate seul comme un chien, fait comme un rat. Rien vaut bien mieux que de chez Laura. Je fais du lèche-vitrine devant les boutiques de riche aux heures de fermeture. Quelle putain d'aventure. Je fais du lait.